Papy, c'est quoi déjà le nom de l'île qu'on voit là-bas? C'est l'île aux disparus. L'île aux disparus? Oh, de nom. Y es-tu déjà allé? Non. Paraît qu'à Porte-Malheur, il y a eu un naufrage là-bas il y a bien longtemps. On n'a retrouvé aucun survivant. Les pêcheurs osent même plus s'approcher des côtes pour tendre le filet. Il y a plusieurs personnes qui ont disparu dans ce coin-là, puis ceux qui sont revenus disent qu'ils ont vu des fantômes. Des fantômes? Des disparus? On dirait un conte de fées. Oh, connaissais-tu, toi, de ceux qui ont disparu? Ouais, un. Mais... quoi? C'était mon meilleur ami, Germain. Il était fiancé avec Léontine. Léontine? La Léontine? Oui, la Léontine. Tu sais comment elle est? Elle a 80 ans, puis elle arrive encore à terroriser la moitié du village. Ça fait qu'imagine à 20 ans. C'était le diable en personne. Est-ce qu'elle était déjà aussi épeurante? Non, elle était plutôt jolie dans ce temps-là. Mais elle avait déjà son maudit caractère. Puis son fiancé, lui? Ah, c'est son père qui l'avait obligé. Une histoire de famille, comme ça se faisait dans ce temps-là. J'ai toujours pensé que Germain avait fait semblant de se rendre à l'île aux disparus à cause des histoires de fantômes, puis qu'il s'était sauvé le plus loin possible de Léontine et de son père. Pauvre Germain. Comme ça, toi, tu crois pas à ça, les histoires de fantômes? Non, bien sûr que non. Pourquoi tu y es jamais allé, d'abord? Juste comme ça. Ça n'a jamais donné. On pourrait y aller après-midi, depuis tant que personne pêche par là. Ça doit être plein de poissons. Ouais, bien sûr. C'est une idée. Mais c'est loin. Le vent pourrait se lever. Il fait un temps super. La brume pourrait descendre. Il donne du soleil pour toute la journée. Puis avec la boussole, y a pas de danger. À part les fantômes, bien sûr. OK, c'est beau. Va avertir ta mère, puis rapporte-nous un lunch. On se retrouve au bateau. D'accord. Yes.